Vous venez de résumer à peu près tout ce qu'il y a dans mon livre, justement, sur le piège de 2012, puisque mon livre se termine là-dessus, hein, puisque le sous-titre, c'est « Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations ». Et on voit bien effectivement que par les médias, c'est-à-dire le pouvoir qui est le pouvoir des médias, c'est la même chose. Les médias appartiennent au monde de l'argent, ce que j'appelle la banque, et la banque manipule la démocratie, notamment par ce que j'appelle la démocratie d'opinion, et par le matraquage médiatique. Aujourd'hui, on nous vend un DSK qui serait le sauveur de la France, qui serait déjà élu, pratiquement, c'est-à-dire on nous le vend comme déjà élu, pratiquement, il n'y a plus qu'à l'élection ne serait que signée en bas de la page, quoi. Hein, ça se voit. Hein, en nous le présentant comme le président de l'alternance à gauche, avec là ce mensonge aussi que je décrypte dans mon livre, qui est le mensonge gauche-droite, ça n'existe pas, il n'y a pas de gauche et il n'y a pas de droite, tout ça est une mascarade, et qui a pour but d'ailleurs de nous vendre l'histoire de l'alternance, comme aux États-Unis, un noir, Obama a succédé à Bush, mais payé par la banque pour faire exactement la même chose. Voilà. Donc en ce moment, on a un Sarkozy qui est usé jusqu'à la corde parce qu'il a fait le travail pour l'Empire, et pour ça d'ailleurs, il s'est totalement discrédité et il s'est effondré dans les sondages, puisque tout ce qu'il fait est contre la France et anti-français, de A à Z, en politique étrangère, en politique économique. Il déshonore la France de A à Z, voilà, et donc il s'effondre dans les sondages. Et l'oligarchie qu'il a financé aussi DSK, qui est le même repeint en socialiste, pour non seulement continuer la même chose, mais au nom de l'alternance, mais même aggraver encore la situation, puisque DSK, comme le dit lui-même Mélenchon, est encore plus libéral, plus atlantiste, plus sioniste, plus mondialiste que Sarkozy. Donc c'est là, en fait, l'aggravation et la continuation du processus mondialiste, mais à une étape encore supérieure, voilà, Strauss-Kahn. Et l'oligarchie, pour faire élire Strauss-Kahn, a besoin, je dirais, en face d'un épouvantail que vous appelez d'extrême droite. Je vous dis, moi, que vous n'avez pas à appeler le Front National d'extrême droite. Le Front National en Algérie serait un parti de centre-gauche. Ça n'existe pas, l'extrême droite, en France. Hein, c'est un parti simplement nationaliste, qui, si vous regardez son programme, n'a rien de délirant. Hein, il veut tuer personne, il respecte la démocratie, etc. C'est un parti nationaliste, voilà. C'est devenu une honte aujourd'hui d'être nationaliste en France. Mais en Algérie et au Maghreb, je pense qu'on a encore... On n'a pas honte d'être fier de son drapeau, et il y a des Français aussi qui sont fiers de leur drapeau, dont moi. Donc moi, je récuse ce terme d'extrême droite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les médias aujourd'hui font monter Marine Le Pen alors qu'ils avaient diabolisé son père pendant 30 ans. Hein. Ces mêmes médias qui avaient diabolisé le père aujourd'hui font monter la fille à vitesse grand V par les médias, par sa présence dans les médias et un traitement assez généreux. Et elle est déjà en troisième position, à 2 points derrière Sarkozy. Il est évident que Sarkozy a vocation à disparaître, à partir et à être battu aux élections, hein, et que je crois que le système prépare un 21 avril à l'envers, c'est-à-dire un deuxième tour Strauss-Kahn-Marine Le Pen, pour que les Français abrutis par les médias pensent, comme vous venez de le dire, qu'il y a la menace fasciste Marine Le Pen, et le sauveur de la gestion rigoureuse mondialiste Strauss-Kahn, en plus protecteur des immigrés dans la tradition socialiste dont j'ai parlé tout à l'heure, en termes de mensonges, puisque toute l'épopée coloniale a été pilotée par les gens de la famille dont il est issu. Voilà. Et donc ce piège est en train de se préparer, qui est de vous donner le choix entre Strauss-Kahn et Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, pour monter dans les médias, est obligée de dire du mal des musulmans. Je ne sais pas ce qu'elle en pense dans son fort intérieur, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a bien compris que si elle ne tapait pas sur l'islam, elle ne serait pas dédiabolisée. Donc c'est quelque part un deal avec implicite avec le pouvoir médiatique. Elle monte dans les sondages, on la montre dans les médias et on la traite généreusement, à condition qu'elle tape sur l'islam. Vous verrez d'ailleurs que DSK n'en parle jamais, lui. Il joue les experts économiques. Et effectivement, on nous prépare un deuxième tour, en espérant que les Français des banlieues, qu'on a toujours pris pour des imbéciles et des indigènes, et que le PS a toujours manipulé, une fois de plus se laisse manipuler et vote en masse pour le DSK contre la menace fasciste Marine Le Pen. Je dis qu'évidemment tout ça est un piège, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faut voter pour Marine Le Pen, mais c'est un piège de l'empire oligarchique, parce que ce qu'ils veulent, c'est faire élire sur un plateau Strauss-Kahn, qui est, à mon avis, le pire ennemi de l'islam, je le dis bien, puisque en tant qu'Israélien, il est israélien, il travaille comme toutes ces élites israéliennes à la reconstruction du troisième temple sur le mont du temple et à la destruction qui se fait déjà sournoisement par ses fondements au sens matériel du terme, à la destruction du deuxième lieu saint de l'islam qui est la mosquée Al-Aqsa. Voilà. Vous venez de résumer à peu près tout ce qu'il y a dans mon livre, justement, sur le piège de 2012, puisque mon livre se termine là-dessus, hein, puisque le sous-titre, c'est « Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations ».

cette fausse alternance qui va aggraver pour les Français la domination mondialiste sur la France, la violence économique, parce que c'est quand même ça le premier problème, c'est l'écroulement économique des nations sous la dette, et j'explique bien dans mon livre que la dette n'est jamais qu'un racket bancaire organisé, hein, voilà. Face à cette réalité, nous avons le piège Strauss-Kahn qui risque de se fermer sur nous avec l'épouvantail Marine Le Pen, et en réalité derrière une diabolisation de l'islam, une réalité d'une crise économique qui ne vient pas du tout de la Mecque ou de la finance islamiste, mais de Wall Street et de la logique financière de Wall Street qui, comme je le dis dans mon livre, est puisée pour beaucoup dans la logique de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la vision du monde, ce que j'appelle judéo-protestante, de la violence, notamment anglo-saxonne, voilà, qui s'incarne parfaitement dans les élites de Wall Street, donc qu'il est parfaitement facile d'identifier sur leur plan de leur culture et de leur origine communautaire, religieuse, etc. Voilà, on voit que là-dedans, il y a très peu de musulmans, il n'y en a même pas, il n'y a pas de catholiques, mais par contre, il y a beaucoup de juifs et de protestants. Voilà, c'est une réalité objective, sociologique, démontrée, et que j'entends, moi d'ailleurs, dire clairement, sans peur, et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on puisse me contre-argumenter là-dessus. Voilà, la violence du monde aujourd'hui ne vient pas de la Mecque, elle vient de New York, de Wall Street, et elle n'est pas fomentée par des musulmans, loin de là. Donc remettons les choses à leur place et donc comprenons bien pour la France les enjeux de l'élection 2012, le piège qui nous est tendu, et je dis notamment aux Français d'origine immigrée qui malheureusement ne sont jamais sortis de l'indigénat, c'est vrai, et ont toujours voté pour leur protecteur persécuteur qui était le Parti Socialiste. Voilà. Et j'ai peur qu'avec DSK, malheureusement, ils retombent encore dans ce piège, et moi simplement je les invite à réfléchir. Hein. Je les invite pas à voter, mais je les invite à réfléchir et à faire preuve finalement de maturité, d'indépendance et citoyenneté, et puisqu'effectivement ils n'aiment pas les colons, et bien qu'ils arrêtent de se comporter comme des indigènes. Voilà. Elle a deux discours. Elle a un discours du mondialisme économique qui est exactement le mien, et elle colle là-dessus un discours du danger islamique qui est totalement hors de proportion. C'est ça que je dis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec certains musulmans en France, c'est évident, mais je crois qu'il est même, interdit dans les pays musulmans de prier dans la rue. Donc voilà, les prières dans la rue, c'est quelque chose qui peut se régler assez facilement, et que les trois quarts des musulmans d'ailleurs ne revendiquent pas, hein, de bloquer des rues pour prier dans la rue sur les trottoirs. C'est pas une revendication musulmane, c'est une pratique marginale, voilà. Et moi je dis, Marine Le Pen a une critique économique de chef d'État qui est très performante, en s'appuyant sur les travaux de Maurice Allais, en essayant vraiment de prendre à bras le corps le mondialisme destructeur, et par ailleurs elle colle là-dessus un discours non pas anti-immigré, parce que ça serait cohérent, mais anti-islamique, qui me paraît totalement disproportionné et qui traduit de sa part une méconnaissance totale de la complexité de la réalité musulmane. Alors est-ce qu'elle manque de formation? Est-ce qu'elle le fait exprès? Est-ce qu'elle n'a pas le choix? Moi, c'est la question que je lui pose. Et d'ailleurs, pour les auditeurs qui me connaissent un peu, la dernière fois que j'ai pu passer à la télévision chez Tadi, je passe moins souvent à la télévision que Gamal Abina, pour ceux qui connaissent la petite histoire. Mais moi, quand je passe à la télé, je dis bien pourquoi Marine Le Pen dit-elle autant de mal des musulmans. Et ce discours anti-islamique radical n'est pas le discours d'un chef d'État, c'est un discours de petit leader extrémiste. Et je dis, ce n'est pas au niveau. Et j'aimerais, moi, que Marine Le Pen hisse son discours sur la question des religions en France, au niveau de sérieux et de compétence de son discours critique sur l'économie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc moi, la seule chose que j'essaye de faire aujourd'hui et que je peux faire, c'est dire méfions-nous de DSK, et moi je fais pression, je dirais, sur Marine Le Pen comme je peux, pour l'amener à avoir un discours sur l'islam qui soit au niveau de quelqu'un qui prétend vouloir être demain chef de l'État en France. Sinon, ce n'est pas possible, ce n'est pas sérieux. Mais je n'ai eu aucun média pour ce livre, il n'y en a toujours aucun, alors que ce livre est en tête des ventes en ce moment en France, où aucun livre ne se vend. J'en ai déjà vendu 15 000 en quelques jours, alors que Bernard Lévy n'a vendu que 4 000 exemplaires de son dernier livre en étant passé partout, et aucun média ne m'invite ni n'en parle. C'est pour ça qu'il faut bien que vous compreniez qu'il y a effectivement des colonisés en France, des colonisés de l'intérieur, dont je fais partie, vous voyez. Voilà, c'est pour ça que la situation est complexe. Je suis traité en France comme un clandestin, d'une certaine manière. Voilà. Et il y a évidemment, pour des raisons de politique, que les auditeurs qui m'ont bien écouté comprendront très bien. Voilà. Donc je rectifie. Mon livre se vend très bien en ce moment, c'est-à-dire des gens l'achètent, le lisent, alors qu'il y a un blackout médiatique total. C'est même au-delà de ça, c'est que la plateforme de vente Amazon, qui est la plus grande librairie de France, à un moment donné pour des raisons qu'on essaie de comprendre, il y a une enquête interne qui a été diligentée. Ce livre était caché et il était répondu aux gens qui voulaient l'acheter qu'il était en rupture de stock et introuvable avant le 11 mars, alors qu'il venait d'être livré de 1000 exemplaires nouveaux supplémentaires qu'on avait fait imprimer en toute hâte. Donc il y a même du sabotage en France pour m'empêcher de vendre ce livre. J'ai des détails, des tas de témoignages de gens qui prétendent que le livre n'existe pas, qui le cachent, etc., etc. Donc non seulement je n'ai pas de médias, mais exactement comme Dieudonné, pour ceux qui comprennent la situation, on empêche plutôt les gens d'accéder à ce livre qui malgré tout se vend très bien. Voilà. France comme au Maghreb, des gens du peuple qui en ont marre de l'oppression, qui en ont marre de leurs élites illégitimes et déshonorantes et qui tendent à s'agacer, à se révolter. Je ne dis pas que ça ira aussi vite et aussi fort qu'au Maghreb, parce que la France est un pays riche, avec des pesanteurs, plus d'écrans à plasma et de jeux vidéo, mais il n'est pas impossible que les Français qui en ont marre, se révoltent un jour ou l'autre, un peu comme ça se passe au Maghreb. Le peuple français est un peuple qui a montré dans l'histoire qu'il encaissait, il encaissait, il avalait des couleuvres, et de temps en temps, il se fâche. Hein. N'oublions pas ce que c'est que l'histoire de France.